Chapitre 17e. Un dernier obstacle restait à vaincre, une dernière barrière à franchir. Il fallait transporter à l'état de veille les progrès que Pulcheri développait chaque jour dans le sommeil. Car jusqu'ici, sa vie n'avait guère été qu'un rêve, une ombre de celle de George Fritz. Le jeune docteur comprit la difficulté. En cherchant à la surmonter sérieusement, il crut en trouver le moyen de l'absence. L'action perpétuelle qu'il exerçait sur son sujet finissait par retenir Mademoiselle de B dans une dépendance aveugle qui l'empêchait de croître librement. Le jeune docteur demeura donc pendant quelques jours éloigné du château. Il adressait à Pulcheri le sommeil dans une lettre, dont il avait fait par sa volonté un narcotique très puissant. Elle s'endormait à toucher ce papier pour ainsi dire imbibé de sommeil, et se réveillait d'elle-même à l'heure marquée par Fritz. Le magnétisme est comme la chimère antique, tout en ayant des ailes rapides dont il se sert pour voler, il n'en a pas moins des pieds qu'il pose souvent à terre. Ses phénomènes moraux les plus surprenants se dégagent au moyen de signes, de conducteurs et de talismans qui rappellent volontiers les charmes si communs au Moyen-Âge. Pulcheri, en l'absence de Georges, s'exerça elle-même naturellement à penser. À dater de ce moment, l'état de Mademoiselle de B s'améliora de jour en jour. Cette pauvre aveugle morale sentit des écailles tomber des yeux de son âme. Elle vit pour la première fois la nature, le ciel, la beauté. Car il faut bien le dire, Pulcheri auparavant ne connaissait rien de toutes ces merveilles. Il faut pour voir et pour entendre autre chose que des yeux et des oreilles. Elle parla bientôt tous les mots de la langue, car les idées appellent naturellement les mots. Elle reconnut son père et sa mère et les serviteurs de la maison. Elle apprit à lire et à prier. L'immensité de la création et le spectacle de la vie lui donnèrent le sentiment de Dieu. Pulcheri répétait en elle l'histoire de la première femme qui, s'il faut en croire les savants, traîna d'abord dans les plantes une existence végétale et fixée au sol jusqu'à ce que, s'élevant avec la création vers des formes plus parfaites et plus animées, elle apparut enfin dans le monde avec un cœur et une âme. C'est alors qu'elle se prit à contempler autour d'elle, à comprendre et à aimer. Pulcheri, en effet, avait d'abord mené la vie des fleurs. Elle ne vivait même pas, elle végétait. À la voir, toujours immobile et légèrement penchée avec un léger mouvement de tête, on le prit alors pour une jeune rose paresseuse, qui ne pense ni ne travaille, et dont toute la tâche est d'être belle. Maintenant, la fleur devenait femme, peu à peu sans doute et avec peine. C'était le travail de 6 jours, et il dura 6 mois.